dès qu'il est conscient de la valeur et du caractère précieux de cette religion et de sa religion, mais c'est un rappel avec des textes où le croyant va trouver une tranquillité et vraiment se sensibiliser et avoir ce rappel sur la grandeur de cette religion. Et d'une manière très pertinente, l'auteur dans son livre, il va citer un passage, un chapitre, concernant le fait que celui qui se rend compte de la grandeur de cette religion, de l'islam, et de cette richesse qu'Allah Azzawajal lui a octroyée, dont il l'a comblée, alors s'il s'attache à cette religion, il peut, voire il va, se trouver, se ressentir comme un étranger dans cette vie. Et il cite le hadith du fait que l'islam est venu étranger, a commencé étranger, il repartira étranger, heureux soit les étrangers. Et dans l'explication de ce hadith, on apprend des choses très importantes et c'est un bon rappel, c'est un immense rappel. Et nous, on a besoin de ce rappel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith remonte jusqu'à lui, que les prières à la paix soient sur lui. Donc le prophète a informé ses compagnons de cela et toute sa communauté de cela, le fait que l'islam a débuté, a commencé étranger. Et c'est Yaoudou Ghariban Kamabada. Comme il a commencé, il reviendra étranger. Et donc le prophète sallam a enseigné cela à ses compagnons et à toute sa communauté. Et on a vu que à l'époque de Zaman al-Tabi'in, il se remémorait cela. Et il se rappelait les uns les autres le fait de s'attacher, l'importance de s'attacher à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa hada fi zamanihim. Et ça, c'était à leur époque, Zaman al-Tabi'in. Et nous, à notre époque, vous savez, plus le temps passe, plus les années, les siècles, les générations se succèdent, moins il est aisé de comprendre les principes originels de la religion. Dans le sens, pour rester sur les principes enseignés par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça demande at-tawfiq min indillahi azza wa jal. Qu'Allah accorde la réussite. Pourquoi ? Puisque plus le temps passe, plus les générations se succèdent, plus les altérations, les falsifications, les changements émergent et se produisent. Et donc lui, le croyant, lui, son but, c'est de rester sur les enseignements du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le temps passe et il sentira cette étrangeté. On va continuer, donc ça c'était un rappel pour ceux qui n'étaient pas là. On parle de la venue de l'islam. Le prophète nous dit il est venu étranger, il repartira étranger. Et donc nous on a besoin de se faire un rappel, une exhortation, qu'on va voir ici. Puisqu'il nous est dit dans le récit, « Fatouba l'ilghuraba » et heureux soient ces étrangers. Vous allez voir le mérite. Donc avant de revenir au Athar qu'on avait commencé. On avait commencé la lecture d'un Athar, pourquoi ? Parce que l'auteur a cité dans le chapitre concernant l'étrangeté de l'islam et le mérite des étrangers. Il a cité un verset, on avait dit le verset 116 de la sourate Hud. Ensuite, il a cité le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, badal islamu ghariban, wa siyaoudu ghariban, kama bada, ou bien la version badal islamu ghariban, wa siyaoudu kama bada ghariban, fatouba lil ghuraba, rawahu muslim. Ensuite, il a cité le hadith de Abdallah ibn Mas'ud, lorsque le prophète Ansem fut interrogé au sujet d'Al-Ghuraba. Fasu'ila an-nabi Ansem man al-Ghuraba faqala nuzza'u min al-qaba'il wa fi riwaya al-Ghuraba alladhina yasrahuna idha fasada an-nas wa lit-Tirmidhi min hadith Kathir ibn Abdullah an abihi an jaddihi tuba lil-Ghuraba alladhina yasrahuna ma afsada an-nas min sunnati. Donc il a cité c'est le hadith qu'on vient de mentionner. Ensuite, on a dit que l'auteur, il va citer ce qui est rapporté de Abi Umayya. Le récit prochain qu'on a cité de Abi Umayya, on va y revenir, Inch'Allah, sur cela. Ensuite, on a lu ce qui est rapporté Ibn Waddah dans le sens du hadith de Ibn Omar. On va y revenir aussi. On va y revenir aussi. Et ensuite, l'auteur conclut ce chapitre avec un récit qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, bisnadin anil murafiri, comme on va venir, comme on va l'étudier dans ce qui va suivre, anil murafiri, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est dit dans le récit, touba lil ghuraba alladhina yumsikuna bi kitabillahi hina yutrak wa ya'maluna bis sunnati hina tutfa. Al-Hadith. Et l'auteur a terminé le chapitre avec ce récit. Donc c'est, on va y revenir Inch'Allah, essayer de comprendre ça et prendre quelques points pour pouvoir avancer. Avant de reprendre sur les récits qu'on avait commencé à étudier précédemment, on revient sur certains points sur le hadith concernant les étrangers. Sur certaines précisions que fait l'auteur du commentaire concernant le hadith lié aux étrangers. Donc tout à l'heure on a pris certaines précisions concernant le hadith. Donc on va avancer un peu. Et pour ceux qui suivent, revenez à la page 345, en bas de la page, lorsque l'auteur dit وَهَكَدَا فَإِنَّ الْوَصْفَ الْأَوَّلْ مِنْ أَوْصَافِ الْغُرَبَا وَهَكَدَا فَإِنَّ الْوَصْفَ الْأَوَّلْ مِنْ أَوْصَافِ الْغُرَبَا أَنَّهُمْ قَلِيلٌ أَنَّهُمْ قَلِيلٌ. Maintenant, ces étrangers, parmi les al-awsaf, le descriptif qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ces étrangers, il y a une description. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que innahum qalil, parmi les descriptifs, ils sont peu. Ils sont peu. Qala al-ulama, c'est pour ça que et les savants veulent se baser sur des récits pour stipuler cela. Et ce qui stipule cela, ce qui prouve cela, dans un récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit unasun qalilun salihun fi unasin su'in kathir. Men ya'sihim aktharu min man yuti'uhum. Man ya'sihim aktharu min man yuti'uhum. Dans un récit, le prophète, lorsqu'il a décrit Al-Ghuraba, lorsqu'il fut demandé au sujet et interrogé au sujet des étrangers, qui sont-ils ? Le prophète a dit Unasun qalil. Des gens peu nombreux. Fi unasin su. Kathir. Tandis que eux sont peu nombreux, mais pieux. Au sein de gens qui sont nombreux, mais pas salihoun. Mais qui n'ont pas ce descriptif d'être pieux et vertueux. Aksaruhum wa man yarsihim aksaruhum min man yuti'uhum. Et ceux qui ne les écoutent pas, en résumé, sont plus que ceux qui les écoutent. Et donc on voit que dans cette description d'Al-Ghuraba, ils sont peu. Et ça, c'est un descriptif. Lakin. Maintenant, écoutez le théologien qui explique ce récit. Il va expliquer une subtilité. Lakin hal al-qillatu wasfun kashif ou wasfun mu'assis. Il dit par contre maintenant, cette description est dans la langue arabe, dans la linguistique arabe, dans le style arabe lorsqu'il est employé, il y a des subtilités. Et lorsqu'il y a un wasf, dans la langue arabe, une description, cette description, elle peut être kashif ou bien elle peut être mu'assis. Elle peut être kashif et elle peut être mu'assis, comme je suis connu chez les spécialistes dans le domaine. Là, l'auteur pose la question du commentaire. Est-ce que cette description qu'ils sont peu nombreux, ces étrangers, est-ce que c'est une description kashif, globale ? Je vous le traduis de manière très littérale. Très littérale. Après, lorsqu'on va comprendre, on n'aura pas besoin de traduction. Il est mieux de rester sur le terme en lui-même, en arabe, kashif. Dans le sens, on va dire, qui dévoile, découvre, global. Est-ce que cette description, elle est globale? Ou bien elle est mu'assis, elle est fondatrice? En d'autres termes. Soit cette description, elle est fondatrice, soit elle est kashif. Soit mu'assis, soit kashif. Quelle est la différence? C'est ce qu'on va voir. Dès qu'on va comprendre, est-ce que la description du fait qu'ils sont peu, elle est kashif ou bien elle est mu'assis, cette description-là, on va comprendre mieux le sens de cela. C'est pour ça que l'auteur cite cela. Il dit لكن هل القلة وصف كاشف أو وصف مؤسس الجواب أنه وصف كاشف ما معنى ذلك وما الفرق بين الأمرين. Il dit la réponse c'est que c'est une description qu'on appelle kashif. Kashif. Il dit, quel est le sens de cela et quelle est la différence entre les deux ? Qala. Il dit, الوصف الكاشف هو الذي ليس عمدة في كشفهم ومعرفتهم. Lorsqu'on parle d'une description qui est kashif, on va dire, kashif c'est quelque chose qui découvre une chose globale de la chose. C'est pas vraiment bonne traduction. Kashif c'est que ce n'est pas le sens, c'est pas l'umda. C'est pas la description de base sur laquelle est fondée celle-ci. Vous allez comprendre. Fi kashfihim wa ma'rifatihim. يعني ليس كل اصحاب فكر هم قليل يكونون على الحق. C'est-à-dire que cette description-là du fait qu'ils sont peu, c'est pas la description, on va dire, de base qui fonde quelque chose. De sens que ce n'est pas tout mouvement de pensée qui est peu revendique la vérité parce qu'ils sont peu nombreux. Parce qu'ils sont qalil, alors ils revendiquent la vérité. Pourquoi ? Parce que al-ghuraba et les gens de vérité sont peu. Il dit, laysa kullu ashabu fikrihum qalil yakununa 'ala al-haq. C'est pas dire parce qu'on est forcément peu qu'on est sur la vérité. C'est une description, mais ce n'est pas la description fondatrice. Vous comprenez mieux à présent ? Vous allez mieux comprendre avec les exemples. ولهذا برزت هذه الشبهة على كثير تمسكوا بأمرهم الذي على غير الحق وظنوا أنهم على الحق وراوا أنفسهم قليلين وقالوا نحن على الحق والجماعة من كان على الحق ولو كنت وحدك ونحن ذلك ونحو ذلك فهذا الاستدلال بالمتشابه. Alors certains par exemple ont eu certaines convictions, ils ont vu qu'ils étaient peu, alors ils ont dit du fait qu'on est peu, alors ça veut dire qu'on est sur la vérité. C'est le signe de la vérité parce que c'est le descriptif des ghuraba. Or, cette compréhension est fausse. Cette compréhension est fausse. Pourquoi ? Parce que le wasf, il est kashif. La description, on l'appelle dans la langue arabe kashif. C'est une description qui met en valeur quelque chose. Mais pas que le descriptif soit sur quoi est fondée cette chose qu'on est en train de décrire. Un exemple. Dans un hadith, le prophète ensemble nous a parlé des extrémistes religieux. Ceux qui ont sombré dans l'excès dans la religion. Et le prophète dans un hadith nous dit "Iyyakum al-ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu." Faites attention à l'excès, l'exagération dans la religion, car ceux qui étaient avant vous ont péri à cause de l'exagération dans la religion. Allah nous dit dans le Coran "Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum." Ô vous les gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Donc, el roulou, mazmoum. Et c'est interdit de faire de l'excès dans la religion. Et le prophète, ensemble, donc, nous a mis en garde contre l'excès et l'extrémisme dans la religion. Et parmi les tendances innovatrices qui ont émergé dans le monde musulman, dans les premiers siècles de l'islam, et dont le prophète lui-même a mis en garde, al-khawarij. Bil ijma. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui m'en garde contre ce groupe extrémiste. Al-Khawarij. Dans le descriptif, pardon, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit ce groupe extrémiste, il nous l'a décrit pour que les musulmans se prémunissent et se protègent de sombrer et de regagner les rangs des extrémistes religieux. Qu'est-ce qu'il dit parmi les descriptifs ? Parmi les descriptions que le prophète a données, il a dit si ma'hum at-tahliq. Parmi leurs signes, c'est qu'ils se rasent la tête. Parmi les signes de l'Khawarij, c'est qu'ils se rasent la tête. قال العلماء فإذا هذا الوصف وصف كشف غير مؤسس كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج في قوله si ma'hum at-tahliq قوله هذا وصف كشف أم مؤسس الجواب Wasfun kashif. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que parmi les signes des extrémistes religieux, le khawarij, c'est qu'ils se rasent la tête. Est-ce que cette description, elle est kashif ou bien elle est mouassis? C'est une description sur laquelle est fondée cette tendance, par exemple, Ou bien, c'est une description qui est cachée. Ça fait partie des descriptifs. Il dit, comme pour les Rourabas, ils sont Khalil, de même cette description pour le Khawarij, du fait qu'il se rase la tête, pardon, c'est pas une description qui est Mouassis, elle est Kashif. De sorte que, Al-Jawab, Wasfun Kashif, لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلَّ مَنْ حَلَقَ رَأْسَ فَهُوَ خَالِجِ. Pourquoi ? Parce que c'est pas toute personne qui va se raser la tête, on va dire c'est un Khaliji, c'est un extrémiste religieux. Donc c'est pas un wasf qui est Mouassis, mais c'est un wasf qui est Kashif. Vous avez vu cette nuance, cette subtilité ? Si on ne connaît pas ça, si personne n'a jamais étudié ça, n'a jamais entendu parler de ça, donc le fait qu'on ne connaît pas, ça ne fait pas partie des choses qui sont dans notre esprit. Donc le fait d'ignorer cette chose, nous on ignore qu'on l'ignore. La personne qui ignore une chose, qui ne connaît pas cela, lui, il ignore qu'il ignore cette chose parce qu'il ne connaît pas cette chose-là. Donc, ensuite, sa compréhension de certains textes et sa conception ensuite de certains textes et donc les déductions de certains textes peuvent être erronées comme sa compréhension est erronée. C'est pour cela qu'on a besoin de connaître ces éléments-là et ces subtilités-là. Lorsqu'une description elle est kashif, par exemple, et lorsqu'une description elle est mouassis. Entre autres, la description de l'Khawarij qui se rase la tête, c'est une description qui est kashif, elle n'est pas mouassis. C'est pas sur ça qu'est basé, qu'est fondé leur credo et leur dogme. C'est pas sur le rasage de la tête. Là, c'était pour nous expliquer le wasf del Ghuraba qui sont Khalil. C'est pas toute tendance, tout groupe qui va être peu sur des convictions, il revendique la vérité par rapport à cela. Ça, c'est la première description. Pardon. قال لكن هذا الوصف يتبين به أولئك مع مجموع الأوصاف الآخر فالقلة وصف كاشف للغرباء لأنهم لو كانوا كثيرا لصار المغاير لهم قليلا فإنهم لا يسمون غرباء. Et donc ils s'appellent étrangers parce que ils sont peu. S'ils étaient nombreux, ça serait pas ce terme غرباء qui serait utilisé pour les décrire. الوصف الثاني. La deuxième description de ces étrangers. هو الذي جاءت به الأحاديث أنهم متمسكون بالسنة عند فساد الأمة. Ces étrangers, ils ont une particularité. C'est qu'ils sont attachés à la sunna du prophète sallam. Lorsque le reste de la communauté musulmane adopteront des pratiques contraires à la tradition du prophète sallam et suivront l'ahwa et l'innovation. قال كيف التمسك بالسنة؟ Comment peut-on s'attacher à la sunna? On parle d'attachement à la tradition du prophète, à la sunna. Comment peut-on s'attacher à la sunna? Et qu'est-ce que la sunna? Certains pensent que la sunna c'est le hadith. La sunna ce n'est pas que le hadith. La sunna ismun jami'a. C'est un nom qui englobe ismun jami'a lima kana alayhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min al-ahwal fi al-aqaid wa al-ibadat wa fi al-mu'amalat. Ça englobe la tradition du prophète, tous les enseignements sur lesquels était enseigné le prophète, sallam, min al-ahwal, que ce soit des questions de dogme, de croyance, dans des questions d'adoration, au niveau du culte, dans des questions de relationnel, fil mu'amalat, la sunna englobe tout cela. Fahiya laysat as-sunnatul khassa bil huda. La sunna, ce n'est pas juste la guidée, la voie. C'est tout ce qu'on a cité. Regardez. Vous avez vu, dans les temps anciens, dans les premiers siècles de l'islam, à un moment donné, lorsqu'il y a eu émergence de sectes au sein de notre communauté, et comme les nations précédentes ont connu ce fléau, l'émergence de dérives et de mauvaises compréhensions de la religion, notre communauté aussi a connu cela. Donc les savants, ensuite, étaient obligés de rédiger des œuvres concernant la croyance du musulman et de la musulmane, de l'islam. Certains livres, comment ont-ils été appelés ? Pourtant, c'était des livres de dogme et de credo. Kitab as-sunna. Kitab as-sunna. Le livre de la sunna, comme c'est connu. Et le livre était basé sur des questions de dogme et de croyance. Pourtant, c'est appelé Kitab as-sunna, comme Kitab Sharh as-sunna. Et comme cela. Pourquoi ? On voit qu'en réalité, le terme sunna est plus général. C'est pas juste le al-hadith. C'est pas juste al-hadith. ولهذا انتبه أهل الحديث رحمهم الله إلى هذا الأصل فسموا كتب الاعتقاد بكتاب السنة رعاية لهذا الأصل لأن المتمسك بها قد حاز الفضل ومن تمسك بها وقد خالف الناس فإنه سيكون غريبا فإنه سيكون غريبا. Et donc celui lui, vous avez vu avec le temps, l'islam est venu il y a près de 15 siècles. Imaginez-vous tout ce temps qui s'est écoulé. Donc avec les siècles, surtout avec l'oubli, parfois il y a des contrées où la science, le savoir, la connaissance, la bonne compréhension de la religion commençait à disparaître avec le temps. Alors, les gens ont commencé à adopter des pratiques et ont émergé des pratiques dans la communauté musulmane contraire en réalité aux enseignements et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui se trouve auprès de la masse, et lui, il veut rester sur les enseignements de base, originels du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comment il va se retrouver? Il va se retrouver ghariban. Regardez, juste déjà les principes de base et les fondamentaux de l'islam, l'adoration d'un seigneur unique. Là, dans certains pays musulmans, comme on l'a dit, c'est vrai que ces dernières décennies, dans nos pays, que ce soit en Afrique, que ce soit l'Afrique du Nord, ou bien l'Afrique noire, ou bien l'Afrique, ou bien le Moyen-Orient, dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de pratiques légendaires contraires à l'islam qui ont commencé à disparaître avec l'apparition du savoir et la venue de théologiens, de musulmans et la propagation de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a eu une nette amélioration. Et ça, c'est le témoignage de savants de l'époque. Une nette amélioration par rapport aux années 50, les années 60, les années 70. Et c'est un savant, justement, qui est mort dans les années 90. L'un des plus grands savants contemporains dans la connaissance du ilm al-i'tiqad, dans la connaissance du dogme et de la croyance. C'est lui qui fait ce constat. Il dit à ses élèves, il dit, vous savez, aujourd'hui, alhamdoulilah, le ilm et la connaissance bénéfique se propage beaucoup dans les contrées, il y a une amélioration par rapport à nous lorsqu'on était des jeunes étudiants. Il disait, lui, le Shir, dans les années 60, quand ils étaient jeunes étudiants, il dit, aujourd'hui, les gens demandent des livres. Ils veulent apprendre, ils veulent lire, ils veulent comprendre cette religion, ils veulent comprendre le livre d'Allah, ils veulent comprendre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a de la demande. Les enseignants sont demandés, ceux qui ont étudié auprès de grands savants sont demandés, et il dit il y a une amélioration. Il dit à l'époque, les gens ne demandaient pas de livres, ne connaissaient pas, c'était l'ignorance, celui qui faisait Talab al-Ilm, il était. Là, il sentait vraiment une rourba, une étrangeté, qu'est-ce qu'il fait lui? En plus, il dit aux gens que l'adoration des walis, des awliya, auprès des mausolées, il dit que c'est pas tawhid, c'est pas le culte d'Allah Azzawajal, ce n'est pas accepté par Allah. C'est quoi cette hérésie? La sunna était devenue hérésie. Et avec la propagation de la science, tamassuk bisunna, beaucoup de croyances se sont améliorées, walillahilham, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَهَذَا الَّذِي حَصَلَ فَإِنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ وَأَهْلَ السُنَّةِ أتتهم أزمنة مديدة كانوا فيها غرباء فيما بين الناس. Et c'est là que le cheikh il dit, c'est pour ça il y a des générations, il y a des siècles où vraiment ceux qui restaient sur les enseignements du prophète et des compagnons, ils étaient étranges, ils se sentaient seuls. Ils se sentaient seuls. Il faut se faire le rappel. Si la personne parfois il se sent, en s'attachant à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se sent un peu seul. Il se sent un peu étrange. Ben oui, parce qu'il y a près de 15 siècles, et les gens, ils vont vous dire, ils ont évolué, c'est-à-dire que leur pratique a évolué, et donc, beaucoup ont altéré, et leur pratique de l'islam n'est pas la pratique qui était connue dans les premières générations par rapport aux enseignements du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc, tu dois apprendre, nous devons apprendre. Quelles sont les traditions qui se sont propagées dans nos pays qui sont conformes à la tradition du prophète et les traditions qui ne sont pas forcément conformes. Et donc pour cela, avec Sivassu, on va avoir un rappel. On va passer à l'autre athar, à l'autre texte qu'a cité l'auteur, pour conclure et faire vite. Alors, le athar qu'on avait dit de Abi Umayya, très bon rappel. C'est un homme qui s'appelait Abu Umayya. Il dit, j'ai interrogé Abu Tharlaba, un homme qui s'appelait Abu Tharlaba. Il va lui poser la question au sujet d'un verset. Un verset qu'il n'a pas bien compris. Un verset où Allah Azza wa Jal dit, Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum. Allah dit, oh vous les croyants, alaykum anfusakum, à vous vos propres personnes. D'abord vos propres personnes. Comme dans le verset, qu anfusakum wa ahlikum nara. Vos propres personnes. Et ne va point vous nuire, ça vous causera aucun tort, celui qui s'est égaré si vous-même vous êtes guidé. Une traduction littérale et relative. Alors, un homme, le sens du verset était confus pour lui. Il n'a pas compris. Alors, il a demandé à Abu Tharlaba au sujet de ce verset. Et Abu Tharlaba lui a dit, « Ouh, tu as interrogé une personne informée. » Et il dit, « J'ai certes questionné le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur cela. » Il dit, « J'ai interrogé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur cela. » Et le prophète a dit, « فَقَالَ أَمَّا وَاللَّهِ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْهَا خَبِيرًا سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلِ اِئْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى إِذَا رَأَيْتُمْ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًا مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤَثَّرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِخَصَّةِ نَفْسِكَ وَضَعْ عَنْكَ الْعَوَامَ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا الصَّابِرُ فِيهِنْ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم قلنا منا أم منهم قال بل منكم رواه أبو داود والترمذي. Le récit est immense. Alors Abu Tharlaba dit, moi j'avais interrogé le prophète, le messager d'Allah sur cela. Alors le prophète avait enjoint de rappeler le bien, de conseiller, d'appeler au bien et de blâmer le mal. Et le prophète a dit, par contre, si tu vois shuhan mutaan, si tu vois le désir de cette vie d'ici-bas, c'est le hirs ala dunya, quelqu'un qui a, tu vois que dans cette vie, commence à émerger le désir de l'obtention de cette vie d'ici-bas, l'amour de cette vie d'ici-bas, démesuré, qui passe avant tout. Wa hawan muttabaran, et une passion, et la passion qui est suivie. Wa dunya mu'athara, et la dunya, qui a un impact. Alors, il dit, et que les gens commencent à devenir des gens qui sont ravis de leur propre avis et leur propre opinion. Ils sont satisfaits de leur propre avis et leur propre opinion. Alors le prophète sallam dit, fa'alayka bi khassati nafsik. Alors là, occupe-toi de toi-même. Si tu arrives à cette époque-là, occupe-toi de toi-même, traduction relative. Wada'an kal awam. Et laisse les autres dans le sens. Parce que derrière vous, il y aura des jours où celui qui patientera avec sa religion sera comme celui qui tiendra une braise ardente. Et celui en ces jours qui pratiquera comme vous vous pratiquez aura la récompense de 50 hommes. Parmi vous. Et du, parmi eux ou parmi nous? Parmi vous. Ce hadith, il est immense. La récompense de 50 hommes parmi les compagnons du prophète. Sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. C'est pas en vain que l'auteur ait mis ce hadith. Parce que nous, si l'auteur est de quelle génération? 12e siècle ou 13e siècle de l'Égypte. Et c'est le 17e siècle de l'ère grégorien. À cette époque, il fait ce rappel. Sur l'attachement à la tradition du prophète, le fait que celui qui va se tenir à soleil va se trouver étranger, il aura la récompense de 50 hommes. À son époque, il fait ce rappel. Avant lui, les générations précédentes ont fait le rappel. Quel est notre cas, nous, à notre époque, on a besoin de ce rappel pour s'encourager. On a besoin de ce rappel. Mais ce n'est pas tout. Comment le prophète a décrit cette époque? Il dit, il y aura l'amour ardent de cette dunya. Il y aura la passion qui est suivie. Il y aura la dunya qui aura un grand impact. Les gens seront tous ravis de leur propre avis. Chacun, lorsqu'il émet une opinion, il est ravi. C'est pour ça qu'ensuite, les gens polémiquent. Il est ravi. Si tu vis à cette période-là, ça va être dur. C'est ça qu'on comprend. Ça va être comme si une personne y tient une braise ardente. Vous avez vu une braise, quand vous la tenez, vous ne pouvez pas la tenir. Ça sera comme ça, tenir sa religion. Ce sera très dur. C'est-à-dire qu'à chaque moment, la personne y peut flancher. Qu'Allah nous préserve. Ça va être très dur. Sauf que le prophète, sans ça, nous rassure. Ça sera la réalité. Il sera très dur pour nos frères, pour nos sœurs, pour les croyants, de tenir leur religion. Pourquoi ? Parce que la dunya a un impact très fort sur les âmes et sur les personnes. Et les gens sont tous ravis de leur opinion. Et les gens ont tous un désir ardent de l'obtention de cette vie d'ici-bas. Et toi, tu vis là et tu essaies de t'en sortir parce que tu prépares ton au-delà. Mais tu te sens seul. Tu te sens seul. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, pour celui-ci, à cette époque, qui va tenir, il aura la récompense de 50 compagnons. Subhanallah. La récompense de 50 compagnons. Qala, anna ghurbat al-islam laha wasf, wa ghurbat al-ghuraba laha wasf, wa zakarna ghurbat al-islam kayfa takun, wa ghurbat ha'ula al-ghuraba, wa ba'd awsafihim allati ja'at fi hadhihi al-ahadith. Fi hadhihi al-ahadith. Ensuite, écoutez l'autre athar ou l'autre hadith qui est attribué au prophète, c'est même que va citer l'auteur. Regardez le rappel encore qu'il y a. C'est pour ça que j'avance pour qu'on puisse conclure et pas être trop long, alors que ça demande de développer. Ce sont des textes très précieux. Qal al-musannif wa rawa ibn Waddah ma'nahu min hadith ibn Umar wa lafduhu. واسمعوا إلى هذا الحديث قال إن من بعضكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم قيل يا رسول الله منهم قال بل منكم ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد بن موسى قال أنبأنا سفيان بن عيينة قال عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نعم قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله ولم تظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وتحولون وستحولون عن ذلك فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله ولا تظهر أو وتظهر فيكم السكرتان فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50 قيل منهم قال لا بل منكم الحديث. Celui qui rapporte le récit ذكر الإمام رحمه الله في آخر هذا الباب المتعلق بالغرباء ما جاء في فضلهم وبيان صفتهم فذكر هذا الحديث للتحذير من البدع والنهي عنها للإمام محمد بن وضاح الأندلسي المعروف. L'imam qui rapporte cela dans son œuvre, c'est un imam qui était un savant d'Andalousie. Et donc, il a un célèbre livre et il s'appelait Muhammad ibn Waddah. Muhammad ibn Waddah, un savant d'Andalousie. Et ce savant d'Andalousie, il rapporte ce récit dans son livre, qu'il attribue. هذا الحديث الذي ذكره هو من المراسيل. Sauf que le récit fait partie de المراسيل, c'est-à-dire le récit. À un moment, il y a une interruption jusqu'au tabi'in, c'est-à-dire que ça remonte pas. On n'a pas une exactitude que ça remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il y a une coupure à partir du tabi'i. Et comme on va voir, c'est le frère de l'imam al-Hassan al-Basri. Vous avez vu le grand imam al-Hassan al-Basri, il avait son frère. C'est son frère à lui, al-imam al-Hassan al-Basri, qui remonte le récit jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme a qu'a al-Musannif, wa li'anna Sa'id ibn Abil Hassan al-Basri, akhul Hassan al-Basri, وهو من التابعين وليس من الصحابة فهو مرسل وهذا الحديث ما اشتمل عليه صحيح دلت عليه الأدلة الأخرى منها ما جاء في هذا الحديث ومنها ما جاء في أحاديث وآثار آخر فما اشتمل عليه من المعاني صحيح وإن كان مرسلا في هذا السياق. Regardez ce que les savants disent. Donc c'est le frère de Hassan al-Basri, il y a une chaîne de transmission qui remonte jusqu'à son frère, on est à l'époque de Tabi'in, et qui dit directement le prophète a dit. Mais on n'a pas la mention du compagnon. Donc il est mursel. C'est pour ça qu'on ne peut pas attribuer de sources sûres et certaines que le prophète l'a dit. Mais les savants, dans l'explication du récit, ils disent le sens est authentique. Ce qui va suivre. Le sens est authentique. Et ce dont je voulais vous faire profiter, qu'on se fasse un rappel, parce qu'on a vraiment besoin de ce rappel. C'est quoi notre fitna? La plus grande fitna de cette communauté. Le prophète nous dit, toute communauté elle a une fitna. Toute communauté, il y a une tentation. Elle a été séduite par quelque chose. Toute communauté. Le prophète, il nous dit, les kulli ummatin fitna. Chaque nation, elle a été tentée, séduite par une tentation. Wa fitnatu ummati al-mal. Mais la fitna de ma communauté, c'est l'argent. La fitna de cette communauté, de notre communauté chez les musulmans, c'est l'argent. C'est un Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui nous a averti il y a des siècles et des siècles de cela. Les kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati al-mal. Il y a d'autres fitna dans la vie. D'autres nations ont été tentées par d'autres séductions. Mais nous, notre nation, nous les musulmans, on est tentés. On est séduits. On est troublés. Parce que c'est un trouble. On a été fatan par l'argent. C'est pour ça qu'on a besoin de ce rappel. Regardez ce que va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il est rapporté ou bien comme c'est attribué à lui qui leur est dit. Il dit d'abord que les compagnons innakum al-yawma ala bayyinatin min rabbikum. Il dit aux compagnons, vous êtes sur une clarté venant de votre Seigneur. Vous ordonnez le bien, vous blâmez le blâmable et les a décrits de descriptifs, des compagnons. Et parmi les descriptions, eux sont sur une clarté. C'est quoi cette clarté? Regardez dans l'explication. Sifatul ula minha anna nabi sallam zakkara al-bayyinata min Allah wa anna sahabata radiyallahu ta'ala anhum kanu ala bayyinatin min rabbihim innakum al-yawma ala bayyinatin min rabbikum wa hadhihi al-bayyina tashmal anwa' al-ulum al-i'tiqadiyya wa ta'abbudiyya wa al-fiqhiyya. Écoutez bien ce qu'il va dire, subhanallah. Écoutez ce qui va suivre. Fa hum ala bayyinatin min rabbihim fi mu'taqadatihim. وهم على بينة من ربهم في عبادتهم وهم على بينة من ربهم في معاملاتهم سواء في ذلك في معاملتهم لإخوانهم المسلمين أو معاملتهم للكافرين والمشركين فهم إذن ظهر فيهم العلم. Ça, il parle des compagnons. Les compagnons, donc à leur époque, ils étaient sur une clarté. Ils avaient la connaissance du droit musulman, de la croyance musulmane. C'était clair. C'était clair. Pourquoi? Parce qu'à leur époque, il y a eu la descente et la révélation du Coran. Et ils vivaient avec le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Je vais descendre un peu pour ceux qui suivent avec le livre. Parce qu'il y a une très belle faïda. C'est un très beau rappel. Il dit... فإذا الصفة الأولى التي كانت في الصحابة ظاهرة أنهم يسيرون في أمورهم على بينة من ربهم. Donc la parmi les descriptifs qu'a donné le prophète, c'est que les compagnons étaient sur une clarté. Les enseignements étaient clairs. La science était claire. Le savoir il était clair. ولهذا يجب علينا أن ننظر إلى هذا الوصف نظر المتفحص المتأمل. Et il dit pour cela, nous, le savant, il dit, on a besoin d'observer, d'une observation minutieuse, du fait que les compagnons, كانوا أهل علم صحيح, que les compagnons étaient sur une science authentique. Est-ce qu'on a un doute sur cela? Ils étaient sur une science authentique. وأن علومهم بالجملة ليست في كثرتها كعلوم من بعدهم. Regardez ce qu'il va dire. Malgré que les ulum, les différents domaines, les différents savoirs, étaient moins nombreux que maintenant. Les ulum, ils étaient moins nombreux. Les domaines, les matières, c'était moins nombreux, les ulum, ils étaient moins nombreux que maintenant. Regardez ce qu'il va dire. ومن بعدهم عندهم علوم كثيرة وكلام كثير لم يكن في الصحابة. Et plus tard, avec les siècles, va apparaître du ilm, de la science, beaucoup de paroles, beaucoup de savoirs, beaucoup de domaines qui n'étaient pas présents à l'époque des compagnons, qui n'y avait pas à l'époque des compagnons. ولكن علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان قليلا نافعا. Mais la science des compagnons, c'était peu, mais profitable. Lorsqu'on dit peu, on ne dit pas que le compagnon, lui, avait peu de science. Ils avaient de la science. On parle de manière générale. Il n'y avait pas tous ces ulum, toutes ces sciences enseignées maintenant. Il n'y avait pas tout cela. Pourquoi l'auteur dit cela? C'est pour une très grande faïda, surtout pour le talab al-ilm. Regardez ce qu'il va dire. On déduit quoi de cela? C'est pour dire quoi? Pour dire « وَأَمَّ مَنْ بَعْدَهُمْ » كان علمهم كثيرا لكن نفعه قليل. C'est ça qu'il veut dire. Plus tard, est apparu beaucoup de science, beaucoup de paroles, mais le profit, l'utilité est minime. Très peu de profit. Comme il est dit, كلام السلف قليل وكثير الفائدة وكلام الخلف كثير وقليل الفائدة. La parole des premiers, c'était des paroles courtes, concises, mais avec beaucoup de profit. Et viendront des gens avec beaucoup de paroles, très peu de profit. Regardez les paroles, les hadiths du prophète, ça sont parfois des paroles très courtes. Vous avez vu les profits qu'il y a dans ces phrases du prophète. Al-Muslim, man salim, man muslimun, min lisani wa yadi. Inama al-amal bin niyat, des paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont immenses. Et regardez ce qu'il dit. Li'anna al-ilm. Regardez qu'est-ce qu'il faut profiter de cette parole. Parce que le savoir, c'est quoi ? لِأَنَّ الْعِلْمَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا كَكَثْرَةِ هَذَا الْعِلْمَ الَّذِي نَرَاهُ الْيَوْمِ. La science à l'époque des compagnons, ce n'était pas toute cette science qu'on voit aujourd'hui. Mais regardez ce qu'il dit. وَإِنَّمَا كَانَ عِلْمًا قَلِيلًا نَافِعًا. L'important, c'est que cette science, elle était profitable, utile. فالعلم النافع هو الذي يحتاجونه في تصحيح قلوبهم وتصحيح عبادتهم وتصحيح معاملاتهم فهم كانوا يتحرون ذلك. Pourquoi? Parce que la science profitable en réalité c'est quoi? C'est la science qu'on a besoin pour purifier nos cœurs. La science pour purifier nos cœurs, la science pour purifier nos adorations, la science pour purifier nos relations. Notre relationnel avec les autres. فَهُمْ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ ذَلِكَ. Eux, c'est ça qu'ils cherchaient les compagnons. Mais pas en apparence de mettre beaucoup de science. En apparence. Ça, c'était ensuite une fitna, une épreuve, qui est venue ensuite le fait d'apprendre, ensuite pour faire montrer qu'on a du ilm. Mais le but de la science, c'est quoi? C'est de corriger, de purifier nos cœurs, purifier nos adorations, pour que la science soit utile. Ça, c'est un fondement, c'est un enseignement qui est immensément bénéfique. أَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْعُلُومِ إِنَّمَا كَثُرَ الْجَاهِلُونَ مَنْ هُمَ الْجَاهِلُونَ أَهْلُ الْخِلَافِ وَالْإِخْتِلَافِ وَالْفِرَقِ وَالْبِدَعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. Mais plus tard, alors certains sont venus avec des sciences, énormément de sciences. Qui sont-ils? C'était des ignorants en réalité. Les gens de la divergence, de la passion, de la dérive, de l'innovation et autres. وَلَمَّا كَثُرْ احْتَاجَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنَ الْمُتَّبِعِينَ لِلصَّحَابَةِ أن يفرعوا العلوم وأن يفصلوها حتى تكون حجة على ذلك حتى تكون حجة على الذين أحدثوا ما أحدثوا حتى يستبين الأمر لمن بعدهم. Et l'auteur continue. Vous avez vu cette faïda, l'auteur il continue encore. Mais comment on arrive à... Alors je vais avancer parce que je voudrais qu'on parle ensuite de cette description que le prophète Sansam a dit au sujet des compagnons aussi. Il a dit qu'il y a deux ivresses, comme on l'a cité tout à l'heure. Deux ivresses qui n'étaient pas présentes à l'époque des compagnons. Sakratan, au duel. Deux ivresses qui n'étaient pas présentes à l'époque des compagnons. Mais Elles vont être présentes après. Quelles sont ces deux ivresses? Il est dit dans le récit, l'ivresse de l'ignorance, wa hubb al-aish, et l'amour de la vie. Et regardez ce que, dans le commentaire, ce qu'il va dire. Passez à la page 358, pardon. Al-wasf al-khamis, c'est le cinquième descriptif concernant les compagnons. Dans le récit, c'est une description des compagnons. Regardez, walam tadhhar fikum sakratan, sakratul jahl wa sakratu hubbul aish. C'est-à-dire les compagnons, c'est pas apparu. L'ivresse de l'ignorance et l'ivresse de hubbul aish. Qala fa sahabatu lam tadhhar fihim sakratan wa amma sakratul hula. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد بن المسعود. Donc pour terminer, regardez dans, remarquez dans le récit cette description des compagnons, où il est dit dans le récit que à leur époque n'est pas apparue l'ivresse, comme c'est dit d'une manière, une traduction littérale, l'ivresse de l'ignorance et l'ivresse de Hubb al-Aish. Et la première ivresse, l'ivresse de l'ignorance, les savants l'expliquent en disant Sakratul Jahl fahiya raji'atun ila wujud al-ilm. فلأجل وجود العلم وانتشاره لم تظهر فيهم سكرة الجهل كذلك سكرة حب العيش يعني حب الدنيا لم تظهر فيهم. Pourquoi à l'époque il n'y a pas eu l'ivresse de l'ignorance? Pourquoi? Parce qu'ils étaient sur une science claire, comme on l'a dit, على بيناتين, venant de leur Seigneur. Donc il y avait le savoir à l'époque du prophète, à l'époque des compagnons. Donc eux, ils n'ont pas été touchés par l'ignorance. Leur savoir était pur. Et donc, ils ont mis en application ce savoir. Et celui-ci, donc, était clair. Donc, ils ont été épargnés de l'ivresse, comme elle est appelée ici, Sakratul Jahl, l'ivresse de l'ignorance. Et de ce fait, regardez une très belle parole que disaient les pieux prédécesseurs. Ils disaient, لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَطْلُبُونَ الْآخِرَةَ وَيَطْلُبُونَ الْجَنَّةَ. Et eux, à leur époque, les compagnons, ce qu'ils recherchaient et ce qu'ils demandaient, c'était l'au-delà et le paradis. Ils recherchaient le paradis. De sorte que regardez les salafs comme ils décrivaient les compagnons. Regardez par rapport à nous, aux générations d'après. Ils disaient Ma sabakakum sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi kathrati siyam wa la salah walakin sabakukum bi zuhdi fi dunya. Regardez, hein, les pieux prédécesseurs disaient Mais sabakakum sahaba. Les compagnons vous ont pas précédé. Vous ont pas précédé dans le sens. Ils n'ont pas été forcément, certains d'entre eux, plus fervents que vous, les générations qui viendront plus tard, forcément plus fervents que vous, dans l'osiyam, dans la prière, ou autre. Mais certains disaient, ils ont précédé le reste de toute la nation musulmane, de tous les musulmans, fils d'Ohd, dans le détachement de cette vie d'ici-bas. Eux, ils n'ont pas été touchés par ça. Eux, سبقوكم في الزهد بالزهد في الدنيا يعني انهم لم يكونوا يحبون العيش في هذه الدنيا. C'est-à-dire que eux, du fait qu'ils ont été éduqués auprès du prophète Sam, eux, leur but, ils n'aimaient pas forcément d'un amour démesuré cette vie d'ici-bas. Et tout leur désir et tout leur projet dans cette vie d'ici-bas, ils en étaient détachés. Le prophète les a éduqués sur ça. Ils en étaient détachés. Parce qu'ils ont eu le plus grand enseignant en cela, en la matière, le messager d'Allah. Donc eux, ils étaient détachés. وَإِنَّمَا يَعْلَمُونَ أَنَّ هَذِهِ الدُّنْيَا دَرْ لِلْعَمَلِ. Et eux étaient conscients que cette vie d'ici-bas était la demeure de la mise en application de l'œuvre, de bien œuvrer pour se rapprocher de son Créateur. Eux, les compagnons, ils étaient conscients de cela. فَإِذَا كَانَ هَذَا أَصْلًا فِي قَلْبِ الْمُسْلِمِ فَإِنَّهُ تَخْتَلِفْ حَيَاتُهُ كُلَّهَا وَأَنْمَاطُهَا وَقَوَاعِدُهَا الَّتِي يَعِيشُ عَلَيْهَا وَتَخْتَلِفْ حَيَاتُهُ فِي مُعَامَلَتِهِ مَعَ النَّاسِ وَتَخْتَلِفْ أُمُورُهُ كُلَّهَا إِذَا كَانَتْ رَغْبَتُهُ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ فَإِذَا كَانَتْ الْآخِرَةُ عِنْدَهُ مُقَدِّمَةً عَلَى الدُّنْيَا فَإِنَّ غَالِبَ أَمْرِهِ يَكُونُ لِلَّهِ وَفِي اللَّهِ وَلِهَذَا وَصَفَ الصَّحَابَةَ بِأَنَّهُمْ لَمْ تَظْهَرْ فِيهِمْ سَكْرَةُ الْجَهْلِ وَلَا سَكْرَةُ حُبِّ الْعَيْشِ. Regardez ce qui est dit. C'est pour cela que celui, comme c'est à l'époque des compagnons, les compagnons, comme il est dit, ni n'est apparu à leur époque l'ivresse de l'ignorance, ils ont été protégés de l'ignorance, ni l'ivresse de l'amour démesuré de cette vie d'ici-bas. Ils œuvraient pour leur au-delà. De ce fait, il dit, si le musulman, la musulmane, son but, lui, Allah Azzawajal lui a pas interdit de bien vivre ici-bas et de jouir des bonnes choses, puisque Allah Azzawajal a mis pour nous, à notre disposition, tout ce qu'il a créé sur terre. Parmi les fruits, parmi les plantes, parmi tout ce qu'Allah Azzawajal a mis sur terre, c'est à notre disposition de jouir des bonnes choses. Mais le but du croyant, c'est de préparer sa vie de l'au-delà, auprès d'Allah Azzawajal. C'est ça son but. Eux, les compagnons, étaient détachés. Ils n'ont pas été touchés par l'amour démesuré de cette vie d'ici-bas. De sorte que les savants disent, celui qui est comme les compagnons, sa vie va changer. Son relationnel avec les autres, sa conception des choses dans la vie, comment il se comporte, son culte, son adoration de son Créateur, sera différent d'autres. Et bien sûr, il se sentira donc étranger, gharib, min al-ghuraba, parce qu'il n'est pas comme les autres. Et c'est pour cela que, regardez en ce qui concerne, eux, al-ilm, étaient clairs à leur époque, les compagnons. Il y avait le savoir. Ils l'ont appris auprès du prophète, sallam. Qal al-ulama, je passe le passage dans la page suivante, regardez ce que disent les savants. Le cheikh qui commente. Wa nahnu nara fi hadha zaman. Wa ma qablahu bi azmanin anna sakrat al-jahl wa sakrat hub al-aish ala ashaddiha. Et nous, on voit qu'à notre époque, il dit que l'ignorance, l'ivresse de l'ignorance et l'ivresse de l'amour démesuré de cette vie d'ici-bas, elle est à son paroxysme. Vraiment là, c'est à un niveau que même nous, on ne s'en rend pas compte. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais le rappel. D'abord, le rappel, je le fais pour moi-même. Parce que même celui qui parle, il ne peut pas dire que lui, il est à l'abri, et puis que lui, il fait rappel aux autres. Mais si je fais ce rappel, c'est parce que c'est dur pour nous. L'envie dans un monde, c'est mondial, un monde où l'être humain devient matérialiste, où l'être humain devient individuel. Si demain la personne il marie sa fille, si le prétendant vient avec une très belle voiture de haut de gamme, et un autre prétendant vient avec une voiture très modeste, ça fait la différence. C'est comme ça. Personne ne peut le nier. Le rang social, les gens font attention à cela. Donc, parfois c'est important, mais parfois on a trop. On a trop donné sur ça. Et on en oublie le côté religieux, le côté comportement. C'est pour ça qu'il se passe beaucoup de choses aujourd'hui au niveau des mariages. Parce qu'on ne regarde pas le comportement, on regarde la situation sociale de la personne et professionnelle de la personne. On ne regarde pas son comportement. Or le prophète sallam dit dans le hadith, si une personne vient se présenter à vous, tardawna dinahu wa khuluqah, et vous acceptez, vous agréez sa religion et son comportement. Pas son argent, pas son rang social, pas sa fonction, son comportement. Mais comme on ne regarde pas cela ensuite, eh ben ça ça crée des problèmes. Et nous, on est tous un peu touchés, puisqu'on est dans cette époque. On est impacté. Dans le récit précédent, vous avez vu, apparaîtra une période, Dunya Mu'athara. La Dunya sera très forte. Elle aura un très grand impact. À nous faire oublier la vie de l'au-delà. Et donc, nous, on a vraiment besoin de rappel. C'est pour ça que je fais ce rappel. Il n'y a pas mieux que des rappels à travers les hadiths du prophète, sans cela. Et au niveau de la science, regardez. Feljad fi izdiyad. L'ignorance, en réalité, on pense qu'il y a beaucoup de science aujourd'hui. Mais en réalité, dans la religion, l'ignorance est installée. Et s'est intensifiée. Alors que ma'an al-qurra kuthur. Alors que les récitateurs, les lecteurs sont nombreux. Il y a beaucoup de lecteurs, il y a beaucoup de récitateurs. Mais il nous est dit de des récits qui remontent à des compagnons qu'il arrivera une époque où il y aura beaucoup de récitateurs, de lecteurs, mais leur lecture ne dépassera pas leur gosier. Il n'y a pas de compréhension. Il n'y a pas de mise en application. C'est juste une belle lecture. Une récitation. Jusqu'à ce que, regardez, il est même dit, donc il va vivre une époque avec beaucoup de lecteurs. Kathar al-Qurra wa Zahar al-Qalam. Il est même dit qu'il va venir une époque où la plume apparaît. La plume apparaît. Et il est venu dans un texte qui est rapporté par l'imam Ahmed qu'apparaîtra la plume. Et ça fait partie des signes de la fin des temps. Dans un récit, il est rapporté Al-Amr ibn Taghrib qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa min ashrati as-sa'a an yafid al-mal wa yakthur wa yadhhar al-qalam wa tafshu at-tijara. Il arrivera parmi les signes de la fin des temps dans un texte que le messager d'Allah, il lui est attribué, comme c'est rapporté dans certains livres, qu'il aurait dit parmi les signes de la fin des temps que l'argent va se propager. Elle sera en abondance sur terre, l'argent. Yafud al-mal va se propager. Et va apparaître la plume. Va apparaître la plume. Et et que va se répandre le commerce. Et que le commerce va se répandre. Ça fait partie de la fin des temps. Qala al-ulama, fa dhahara al-qalam. Yani, les gens, il va arriver une époque où les gens écrivent de plus en plus. Vont écrire de plus en plus. Yakunu min ahli al-kitabati allati kanat fi man qablahum qalila. Fa dhahara al-qalam, lakin ma'a qillat al-ilm wa fushu al-jahl. Mais ils vont écrire plus qu'avant. Il va arriver une époque où ils vont plus écrire que les gens des siècles précédents. Les gens des siècles précédents. Mais malgré cela, ils sont ignorants. Malgré cela, ils sont ignorants. Regardez les recueils de hadith l'imam al-Bukhari, ou l'imam muslim, ou Kutub al-Sunan. Est-ce que l'imam al-Bukhari parle beaucoup dedans? Il compile les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Malik, dans le Muwatta. L'imam Malik, dans le Muwatta, il recense, c'est des compilateurs. Il recueille des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il rapporte des athar, de compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de temps en temps un avis de fiqh. Sinon, il se contente de compiler et de transmettre la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, parfois, il y a des écrits qui parlent de la religion, il n'y a aucun texte. Un livre, parfois volumineux, plusieurs pages, vous trouvez un verset, un passage du Coran, un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le reste, c'est l'opinion personnelle. Une époque où le prophète dira que chacun va se suffire et être ravi de sa propre opinion. De sa propre opinion. Donc pour conclure, c'est un immense rappel que les compagnons ont été à l'abri. Ont été à l'abri de l'ignorance et ont été à l'abri de l'ivresse de l'amour démesuré de cette vie, d'ici-bas. Donc la nouvelle ici, quelle est la nouvelle? L'enseignement à tirer, c'est que pour avoir une bonne pratique de la religion, il faut la connaissance. Il faut apprendre. On ne sait pas, on ne dit rien. Comme ça, on ne prend pas de péché. On ne sait pas, l'adli, je ne sais pas. Ce qu'on a appris, on connaît de source sûre, on a tout vérifié. L'authenticité des textes, on parle. Et aussi, deuxièmement, il ne faut pas oublier sa part de l'au-delà. Il ne faut pas oublier de faire des projets pour l'au-delà. Vous avez vu le verset où Allah Azzawajal dit au prophète, « Wala tansa naseebaka min ad-dunya » Il dit au prophète, n'oublie pas ta part d'ici-bas. Allah dit ça au prophète. Pourquoi? Parce que tellement le prophète, il avait délaissé sa part d'ici-bas. Le prophète pensait à sa place dans l'au-delà. Et tellement le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, oubliez les bienfaits d'ici-bas. Et tellement il avait délaissé cela. C'était le maître en la matière de l'ascétisme, du délaissement de cette vie d'ici-bas. Allah lui dit, n'oublie pas, la tansana siba kaminad dunya. Un savant contemporain a dit, nous, à notre époque, il faut se faire le rappel en se disant, wala tansana siba kaminal akhirah. Nous, il faut nous dire l'inverse. N'oublie pas ta place à toi dans l'au-delà. On fait beaucoup de projets, ici-bas, c'est pas interdit, attention. On n'est pas dans une croyance mystique où il faut pas vivre. On vit, on fait des projets, on éduque nos enfants, on essaie de faire tout pour réussir, mais il faut pas oublier sa vie de l'au-delà. Parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on va la quitter, cette vie. Et la vie de l'au-delà, elle est éternelle. Il n'y a plus de temps. La mort sera immolée. Il n'y aura plus de mort. Ça sera une vie éternelle. Sans soucis, sans angoisse, sans maladie, sans épreuve, sans affliction, sans angoisse, sans détresse, sans dépression, sans maladie. Une jeunesse infinie, une beauté infinie, avec ses bien-aimés, dans des réjouissances infinies, tout ce que l'être humain convoite, il l'a. Avec des maisons faites de briques d'or, des arbres avec des branches en émeraude, les troncs sont en or, avec des ruisseaux qui coulent, des jardins inimaginables. Le prophète Sam dit dans un hadith, il y a ce que nul œil n'a vu, ce que nul n'aurait entendu, ce que nulle imagination peut s'imaginer au paradis d'Allah Azza wa Jal. Et c'est une vie éternelle, il n'y a plus de temps. C'est dur à se l'imaginer, c'est éternel. Et cette éternité se joue sur quelques années. Sur quelques années qu'on vit. Et peut-être c'est la dernière ligne droite. Et c'est pour ça que je fais d'abord ce rappel pour moi-même, je fais le rappel pour mes frères parce qu'on est là pour s'entraider. La difficulté, elle est grande, mais la bonne nouvelle est, pour terminer, que celui à cette époque qui tient une bonne pratique de sa religion, le prophète Sam lui promet la récompense de 50 compagnons. Khamsin min as-sahab. De 50 compagnons. Ceux qui n'ont pas été touchés par l'ivresse de l'ignorance et l'ivresse de hubb al-ish. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum.